Alors, sans plus tarder, ce matin, je vous invite à tourner dans Hébreux. On va se préparer pour le repas du Seigneur ce matin. Alors, le repas du Seigneur dans Hébreux, le chapitre 9. Hébreux 9. Alors, le thème du repas du Seigneur ce matin, c'est la nouvelle alliance. Vous savez que dans les dimanches précédents, que j'ai eu le privilège de faire le repas du Seigneur avec vous. C'était l'idée de la joie, du retour de Jésus. Là, c'est la nouvelle alliance. Vous savez, au temps d'Israël, et même, je ne sais pas si c'est aujourd'hui comme ça en Moyen-Orient, mais on scellait souvent des alliances par un repas. Souvent, lorsqu'on avait eu une discussion, lorsqu'on y avait eu une entente, on terminait, puis on faisait un repas ensemble. Et ce matin, on a le pain et le jus ensemble. C'est sûr que le contexte a toujours été un repas. C'était le repas avec ses disciples. Seigneur Jésus, juste avant d'être arrêté, a pris un temps, puis c'était vraiment dans un repas. Alors, c'est sûr qu'on a les éléments. Et je dirais que l'Épître aux Hébreux aussi, il faut se souvenir que c'est un contexte très difficile. C'est probablement des Juifs qui s'étaient convertis. Et la pression, était tellement grande parce qu'ils devenaient chrétiens, ils sortaient du judaïsme, qu'à un moment donné, la persécution était intense, les gens voulaient retourner au judaïsme. Et l'auteur aux Hébreux, vous savez, on ne sait pas qui a écrit l'Épître aux Hébreux, mais je vous donne une révélation ce matin, moi je le sais. Alors, je suis privilégié, c'est le Saint-Esprit. Alors, on s'entend tous que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est le Saint-Esprit. Et je dirais que dans le chapitre 9, ce qui nous encourage vraiment, ce que j'aimerais ce matin, c'est de faire la première alliance versus la nouvelle alliance, pour voir les différences. C'est sûr que pour nous, on est nord-américains. Le temple, le tabernacle, les chandeliers, tout ça, on ne connaît pas ça. OK? En parlant de chandeliers, moi, quand je suis rentré ici la première fois, il y a presque 40 ans, est-ce que vous vous souvenez qu'est-ce qu'il y avait au mur? Il y avait deux chandeliers, OK? Mais ils étaient remarquables. Savez-vous pourquoi? Parce que la chandelle, les chandelles, qu'est-ce qui avait arrivé avec le temps? Ils étaient toutes croches comme ça, là. Je me dis, hey, hein? Voilà 40 ans. Je me souviens encore de ça, le chandelier. C'était un chaque côté du baptistère. Alors, nous, les chandeliers, on ne connaît pas ça vraiment, toute la dimension de ce qui se passait dans le temple. Mais ce matin, en lisant, j'aimerais qu'on puisse voir la première, voir les détails, versus, puis les comparer à ce moment-là. Si vous voulez, avec moi, me suivre, chapitre 9 de l'Épître aux Hébreux, de 1 à 14, je vais vous lire. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Voyez-vous, là, on commence déjà à donner un élément très important du sanctuaire. Le premier, il était terrestre. Un tabernacle fut en effet construit dans la première antérieure, appelé le lieu saint. Était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'Alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment, je trouve ça très intéressant. Il dit, ce n'est pas le moment d'en parler en détail là-dessus. Je trouvais ça intéressant que ce soit là. C'est comme s'il ne voudrait pas qu'on s'arrête là, sur l'arche, sur les chérubins. Et on n'a pas le temps, là. Il dit, continue. Alors, or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait, ce qui veut dire le sanctuaire terrestre. C'est une figure pour le temps actuel, où l'on présente les offrandes, des sacrifices, qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend culte, et qui, avec des aliments, les boissons, les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Maintenant, le verset 11, « Mais », là on voit qu'il y a un tournant très important, « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, et non avec le sang des boucs, des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu la rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la sang d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. On va se courber devant le Seigneur maintenant. Amen. Amen. Alors, ce que j'aimerais, on n'examinera pas tous les versets ce matin, mais je veux juste qu'on puisse voir, si vous revenez au verset 1, le sanctuaire terrestre. Juste de voir les éléments qui sont associés à ce sanctuaire, puis tantôt on va voir à partir du verset 11, c'est un autre sanctuaire qui n'est pas fait de main d'homme, mais dans le fond, c'est le ciel. Parce que verset 24 nous dit que le nouveau tabernacle, c'est le ciel. C'est là que le Seigneur Jésus a rentré avec son propre sang. Si vous regardez au verset 1, toujours, le sanctuaire est terrestre. Il est construit de main d'homme. C'est très différent. Puis ça a été toute une construction qu'on peut remarquer. Maintenant, au verset 7, si vous venez avec moi, dans la seconde, le souverain sacrificateur, seul, entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même, mais pour les péchés du peuple. Ce qui est très intéressant, ici, on utilise le sang des animaux. C'était vraiment temporaire. C'était efficace pour une année. À chaque année, il devait retourner. C'est intéressant de réaliser ça. Pour nous, là, c'est un autre monde, là, ce qu'on est en train de parler. Une fois par année, il devait rentrer avec le sang des animaux. Alors, vous pouvez vous imaginer, après des centaines et des centaines d'années, tout le sang qui a coulé dans l'Ancien Testament. Et c'est pour ça que j'encourage jamais les gens à lire le livre de Lévitique avant de vous coucher, OK? Lisez pas ça parce qu'il s'en coule là-dedans, OK? Puis ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on a des sacrifices pour certains péchés. Et c'était ce que le Seigneur nous demandait dans l'Ancien Testament, on va le voir tantôt par Moïse. Le lieu très saint était visité aussi une fois par année par une seule personne, le souverain sacrificateur. Parce que pourquoi? Puis aussi, on va le voir tantôt dans un autre chapitre, les souverains sacrificateurs étaient aussi temporaires. Pourquoi qu'ils étaient temporaires? Parce qu'ils étaient humains. Puis qu'est-ce qui arrive à un humain à un moment donné quand il vieillit? Il meurt, OK? Alors, à un moment donné, on devait choisir un autre sacrificateur, grand sacrificateur, pour justement entrer au moins une fois par année. Aussi, ce que vous pouvez voir, il offre pour les péchés l'expiation. Alors, l'expiation était temporaire aussi, c'était une fois par année. Ça fait toute la différence que nous, parce que nous, quand on parle de Jésus, comme vous allez pouvoir voir à partir du verset 11, mais Christ est venu, souverain sacrificateur des biens à venir. Alors, ce qu'on peut voir ici, c'est que le nouveau tabernacle, le nouvel endroit où ce que le grand sacrificateur doit aller, alors à ce moment-là, il est permanent, il est éternel. Ça fait toute une différence de réaliser cela. Aussi, si vous remarquez, verset 12, il est entré une fois pour toutes. C'est pas merveilleux, ça? Alors, au lieu d'aller une fois par an, il a rentré, c'était terminé. C'est permanent, c'est éternel. Moi, je trouve ça rassurant. Vous ne trouvez pas? C'est rassurant. C'est juste qu'il faut réaliser, je ne sais pas si vous avez pris des assurances dans les dernières années, mais on vend de plus en plus quelle sorte d'assurance? On appelle ça des assurances temporaires. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, parce que les assurances permanentes, ça coûte trop cher. Alors, vous prenez des assurances pour 10 ans, généralement. Okay? Mais c'est temporaire. T'es mieux de les renouveler après 10 ans et un jour. Pourquoi? Qu'est-ce qui va arriver? Si tu n'as pas eu le temps de les renouveler, là, si tu meurs, qu'est-ce qui arrive? Tu laisses des dettes à ta femme, OK? Aux enfants. Alors, c'est temporaire, mais c'est plus permanent. On vend presque plus d'assurance permanente aujourd'hui. Alors ici, avec le Seigneur Jésus, la beauté, c'est que c'est permanent, c'est éternel. Aussi, le verset 12 nous dit qu'il est entré avec son propre sang. Ça nous montre ici la valeur du sang de Jésus. C'est pour ça qu'un Pierre nous dit le précieux sang, parce qu'on n'est pas capable de quantifier, de donner une valeur au sang de Jésus. On peut s'arrêter juste de voir le précieux sang. C'est une valeur qu'on ne peut pas quantifier. Quand on pense tout ce qui a coulé comme sang, c'est pas pour rien que, c'est-tu dans le livre de Lévitique ce matin, je ne suis pas sûr, mais qui dit « Où est-ce que le sang a coulé, l'herbe ne pousse plus ». Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il y avait tellement de sang qui a coulé à certains endroits que ça, il n'y avait plus rien à pousser là. Vous pouvez vous imaginer la quantité de sang. Exemple, vous avez ça, quand Salomon il a ouvert, quand ils ont fait une fête pour le temple, il nous est dit qu'il y a eu tellement de sacrifices d'actions de grâce, qu'est-ce qui est arrivé? Ils n'ont pas été capables de les compter. Hey, vous pensez à ça? En plus, une des choses, des fois, quand je pense aux sacrifices, là, je ne sais pas, mais peut-être dans ma vie, vous ne le savez pas, mais un jour, j'ai été pris dans un feu, dans une étable. OK? Peut-être pour ceux qui ne le savaient pas, mais je suis débosseleur de métier, j'ai été prendre mon cours à Thetford. Pendant un an, je voyageais. Un jour, on est arrivé juste à l'entrée de Victoriaville, et la ferme étant en feu. Et on était les premiers. On a arrêté, on était les premiers, on était rentrés là-dedans. Mais après quelques heures, il y a une chose que j'ai remarquée et que je me suis encore, c'était la senteur de la viande brûlée. Je ne sais pas si vous avez déjà arrivé là. Imaginez là, combien qu'on sacrifiait là. Puis la partie où on sacrifiait, là, il n'y avait pas de toit. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le temple. Mais pourquoi? Parce que la boucane, la senteur, il fallait que ça devait, à quelque part, il y avait quelqu'un qui devait savoir qu'il y avait des sacrifices qui se faisaient à Jérusalem de temps en temps. Hein? Alors, vous êtes déjà rentré dans une maison, puis on est en train de faire cuire quelque chose, qu'est-ce que vous dites? Voilà, ça sent bon. Merci pour Diane, c'est bien ça. Ça sent bon. Oh, oui, c'est bon. Alors, nous, on n'est pas conscients de tout ça, mais hey, ça devait être assez terrible. Puis la boucherie, là, tous les gars, là, Olimel, c'était rien à côté de ce qui se passait là, là. Hein? Je ne sais pas si vous avez déjà vu comment ils tuent les cochons à Lumel, là, mais hey, ça n'arrêtait pas, là. Puis là, c'était les sacrifices continuels. Nous, on n'est pas conscients de tout ça. Vous savez, on n'est pas conscients. C'est vrai que Christian travaille chez Lumel, lui, hein? Où est-ce qu'il est Christian, là, lui, là? Ah, il est là, là. Fait que Christian, il a connu mon oncle. L'oncle qui est en train de décéder, il a un cancer. Alors, mon oncle m'a fait visiter Lumel. Un jour. Il me joint un tour. Il me fait descendre dans la bâtisse où ce que tous les restants d'animaux vont. Lui, il trouvait ça drôle. Moi, je ne trouvais pas ça drôle. Savez-vous pourquoi? Hey, la senteur qu'il y a. Vous ne pouvez pas vous imaginer, j'avais juste. Tu sais, lui, puis là, il riait, là, lui, là, tu sais. Puis en plus, qu'est-ce que ça fait, cette senteur-là? Elle colle après vos vêtements, hein? Là, t'embarques dans ton charneux, là. Hein? Non, on n'est pas conscient de tout ça. Nous, on lit ça, puis on dit, « Ah, oh, les gars, ils faisaient des sacrifices, puis tu sais, le sang, comment ils collectaient le sang de tout ça? Hey, ça devait être incroyable! Hey, c'était une usine! Et puis, c'était des millions de personnes qui arrivaient à Pâques, là. Jésus, il couvre tout ce sang-là. Il faut s'arrêter. Je sais que je me répète, mais vous savez combien il y a de litres de sang dans le corps de quelqu'un? 5 litres à peu près. C'est bien ça, M. Richard? 5 litres. Alors, si on vous en enlève 3 litres, vous allez être... vous n'irez pas travailler aujourd'hui, là. Hein? Mais 5 litres du sang de Jésus couvre tout ce sang-là, tous ces sacrifices-là. C'est pour ça qu'il faut s'arrêter aujourd'hui sur les éléments du repas. Ça a une grande valeur. J'aime ça quand Pierre a dit le précieux sang de Jésus. C'est incroyable. C'est incroyable. Et le verset 12 nous dit que, regardez, étant entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec du sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Tantôt, je vous disais que l'expiation, la rédemption, elle était temporaire. C'était efficace pour une fois par année. Aujourd'hui, c'est éternel, l'expiation. C'est tout un beau cadeau, la Nouvelle Alliance. Et c'est pour ça que l'auteur, ce qu'il est en train de faire, l'auteur a fait qu'il voulait démontrer la supériorité de Jésus, si vous lisez l'Épître aux Hébreux, avec les anges, avec Moïse. Puis là, il utilise la Nouvelle Alliance pour la comparer avec la Première Alliance. C'est vraiment, moi, je trouve ça intéressant, plus qu'intéressant même. Regardez les versets 26 et 7, la différence entre le lieu saint et très saint. Des fois, on ne s'y arrête pas. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie. Intéressant, du temple, du tabernacle. Et dans le second, c'est le souverain sacrificateur qui peut y aller une fois par année. Vous savez, quand les gens allaient dans la deuxième partie, c'était la présence de Dieu. La présence de Dieu était là par les chérubins. Je trouve ça très intéressant, qu'est-ce qu'ils ont dit? Les chérubins de gloire. Les chérubins, c'est la gloire de Dieu. C'est vraiment incroyable. C'est des êtres glorieux. Alors, c'était la présence. Et puis, comme on dirait, la présence de Dieu, pour le pécheur, c'était pas rassurant. Okay? Nous, on parle de Dieu comme notre Père, on parle de Dieu comme celui qui prend soin de nous. Mais quand tu n'étais pas un enfant de Dieu, quand tu n'étais pas un croyant de l'Ancien Testament, mais pour rencontrer Dieu, c'était très dangereux. Exemple, les parents de Samson ont rencontré l'ange de l'Éternel, Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont dit? On va mourir. Moïse, il avait le même concept. C'était dangereux. Gédéon, il dit, on va mourir. Et je peux vous dire que être grand sacrificateur, souverain sacrificateur, c'était un travail très dangereux. Pourquoi? Parce que tu savais quand tu rentrais, mais tu ne savais pas si tu étais pour sortir. Okay? Et c'est pour ça que les vêtements du souverain sacrificateur sont spéciaux. En bas de sa robe, il y a des clochettes. Pourquoi les clochettes, vous pensez? C'était pour savoir s'il était encore debout et s'il marchait. Okay? Parce qu'une clochette, on entend des sons. On lui mettait aussi une corde. Pourquoi qu'on mettait une corde? Parce que si tombe à terre, il n'y a personne qui voulait rentrer là-dedans. On le tirait. Ça devait être assez spécial. Ça, là, c'est un travail extrême. Il devait être bien payé, j'espère. Hein? Hey! Moi, s'il voudrait m'engager, là, puis il dirait, regarde, tu rentres là-dedans, tu ne sais pas si tu ressors, mais on met une corde. On se dirait, c'est quoi le truc? Il y a quelque chose de dangereux, là. Mais on ne veut pas te le dire, là, mais s'il y a quelque chose, t'en fais pas, tu ressors. Mais on traîne quand on va sortir. Vous savez, dans Lévitique 16, c'était la fête des expiations. Le verset 15, vous n'avez pas besoin de tourner, je vais vous le lire. C'est le souverain sacrificateur égorgea, où il y avait de l'aide, égorgea un bouc expiatoire pour le peuple. Il emportera le sang au-delà du voile. Il fera avec son sang comme il fait avec le sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. Verset 34. Ce sera pour vous une loi perpétuelle. Il se fera une fois chaque année l'expiation pour les enfants d'Israël. à cause de leur péché, ont fait ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Alors, c'est un endroit qui était dangereux, mais c'est un endroit qui était privilégié parce que tu rencontrais Dieu. C'était la sainteté de Dieu que tu voyais. Saint, saint, saint. Ah, voilà, c'était un privilège. Ce que j'aimerais m'arrêter ce matin, c'est un des éléments qui fait toute la différence aujourd'hui, c'est le souverain sacrificateur de la nouvelle alliance. Si vous voulez tourner avec moi dans Hébreux 7, on va terminer par, après ça, on va, Hébreux 7, les versets 23. Je dirais que ça, c'est un des éléments. Vous voyez, le souverain sacrificateur, il était temporaire, les gens mouraient, il fallait qu'il amenait du sang des animaux, mais le grand sacrificateur, le souverain sacrificateur qu'on a aujourd'hui, c'est Jésus lui-même. Les versets 23 à 27. De plus, il y eut des sacrificateurs en grand nombre avec les années, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternel, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement. Ah, c'est pas une bonne nouvelle, ça? Il ne dit pas à moitié, il peut sauver à moitié, aux trois quarts, mais il dit qu'il peut sauver parfaitement. Ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tâche, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme le souverain sacrificateur, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Ce qui est très intéressant, c'est trois éléments que j'aimerais qu'on puisse juste voir là, ce matin. Premièrement, pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'il est spécial, ce souverain sacrificateur? C'est que dans le verset 24, c'est qu'il demeure éternellement. Alors, on n'a pas besoin de penser qu'il va mourir un jour. On n'a pas besoin qu'il va être remplacé par un jour. Il demeure éternellement. Deuxièmement, le verset 25, il nous dit que, vu qu'il est éternel, il étant toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Vous ne trouvez pas ça réconfortant? Il est en notre faveur. Et le verset 27 nous dit qu'il n'y a pas besoin de faire de sacrifices à tous les années, mais il a fait un sacrifice qui est éternel. Maintenant, ce matin, j'aimerais qu'on puisse participer ensemble. Quand vous pensez à votre salut, quand vous pensez à la nouvelle alliance, OK, qu'est-ce que vous trouvez intéressant? Qu'est-ce qui vous attire? Qu'est-ce qui fait là, qu'on peut remercier Dieu là, ce matin pour le salut? Ou qu'on peut remercier Dieu pour cette alliance-là? Une des choses, des grandes bénédictions que je trouve de la nouvelle alliance, savez-vous, c'est quoi? C'est le cadeau du Saint-Esprit que le Seigneur nous a fait. Il demeure avec nous pour l'éternité. C'est pas un beau cadeau, ça? Est-ce que vous avez besoin du Saint-Esprit, vous, dans votre vie? Si vous n'avez pas besoin, moi, peut-être je suis plus pécheur que vous. J'en ai vraiment besoin à tout instant de ma vie. Vraiment besoin. Alors, ce matin, levez-vous, parlez fort. Qu'est-ce que vous trouvez intéressant? Qu'est-ce que vous pouvez remercier le Seigneur pour vous ce matin dans cette nouvelle alliance? La parole est à vous, là, ce matin. Comment on voit ça, cette nouvelle alliance-là?